أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن نواصل الكلام على عاشوراء، لأنه ما شاء الله يوم الاثنين ويسن التاسعاء صيامه. كنا ذكرنا أحداث الرسول صامه شكر لله تعالى، لأن الله تعالى أنعم بنعم على الأمة الإسلامية في يعني عبر العصور، يعني الأنبياء دينهم الإسلام، أنعم بنعم على الأنبياء، تاب على آدم ونجى سفينة نوح في عاشوراء، وأنقذ سيدنا يونس من بطن الحوت. وكنا شرحنا هذا، أن يونس أراد أن يرمي بنفسه في البحر مع اعتقاد أن الله يحفظه، لأن الانتحار لا يجوز على الأنبياء. أراد أن يرمي بنفسه مع اعتقاد أن الله يحفظه، فابتلعه الحوت ثم ولم يؤذه، ثم لفظه الحوت، خرج من بطن الحوت في يوم عاشوراء. وكذلك رفع البلاء عن سيدنا أيوب في يوم عاشوراء. أيوب مرض 18 سنة، لكن كما نعلم لم يرد في القرآن ولا في الحديث ما يقوله بعض الناس من الكلام الفاسد. سيدنا أيوب لم يخرج منه الدود ولا رائحة كريهة، هذا لا يليق بالأنبياء. الله تعالى لا يسلط على الأنبياء هذه الأشياء التي هي تنفر الناس. لكن مرض 18 سنة، أشد الناس بلاء، قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتل الإنسان على حسب دينه، من يريد الله بخيرا يصيب منه. قال نحن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. إذن رفع عنه البلاء في يوم عاشوراء، عافاه الله تعالى. لكن كما أكدنا لا يجوز اعتقاد ما يقوله من أكاذيب أهل الكتاب، يقولون خرج منه الدود ونحو ذلك، هذا لا يجوز في حق الأنبياء. دونك on a parlé de Ashura qui est lundi recommandé à jeûner. Et parmi les choses qui sont passées Ashura, Dieu a levé l'épreuve de Sayyidina Ayoub. Ayoub, il est tombé malade 18 ans. Job, Ayoub. Mais bien sûr, les prophètes n'ont pas de maladies repoussantes. Ils n'ont pas des vers qui sortent d'eux, une mauvaise odeur ou la lèpre. Ça, c'est des histoires que disent les gens du livre, qui ont falsifié. Les prophètes, ils ont tous un beau visage, une belle voix. Ils n'ont pas de maladies repoussantes. Ils ont des maladies douloureuses, mais pas les maladies qui repoussent les gens. Donc, Sayyidina Ayoub, il a perdu ses enfants, son habitation s'est cassée, il s'est effondré, et il était malade durant 18 ans. Mais il n'avait pas une chose répugnante. Et c'était jour de Ashura, qu'on commémore le lundi, qu'il est recommandé de jeûner, que Dieu lui a donné la guérison. Il a levé l'épreuve sur lui. C'était le jour de Ashura que les musulmans ils glorifient. Et que le prophète il a recommandé de jeûner. إذن هذا يعني مما الأشياء التي حصلت في عاشوراء. وكما نعلم نجى الله موسى، سيدنا موسى، من فرعون، وأغرق فرعون اللعين الذي ادعى الألوهية. De même, c'était le jour de Ashura que Dieu a sauvé Moussa. Il a noyé Pharaon, qui voulait donc tuer Sayyidina Moussa. C'était le jour de Ashura. Et le prophète, d'ailleurs, il avait dit qu'il a dit Ahnu awla bi Moussa minkum. Dinuna din Moussa, alhamdulillah, din al-anbiya. Et donc le prophète, il a dit, c'est nous sommes prioritaires sur Moussa. Quand il a trouvé les gens du livre qui se jeûnaient, il a dit, nous sommes prioritaires. Parce que notre croyance, c'est la croyance de Moussa, la croyance de tous les prophètes. Tous les prophètes, c'est des musulmans. L'islam est la seule vraie religion. C'est la religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wa salam. Et donc, هذه من الأشياء التي حصلت في عاشوراء. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر استحباب بصيامه، ولكن قال إن عشت إلى قابل أو صمنا التاسع، يعني يوم لقبل. لماذا؟ يخالف يعني الكفار، يخالفهم، يعني هم يصومون هذا اليوم فيزيد يوم قبله أو بعده. الرسول كان يريد أن يخالفهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، يعني هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز التشبه بالكفار فيما هو خاص بهم. Et le prophète il a dit si je vivais l'année prochaine je jeûnerai le 9 un jour avant. Ashura c'est Ashara 10 dixième jour. Tessoua, c'est un jour avant. Pourquoi il voulait rajouter un jour? Pour ne pas faire contredire les mécréants qu'eux, ils jeûnent uniquement le jour de Ashura. Donc le prophète, à chaque fois, il veut contredire leur habitude. Maintenant, ce n'est pas interdit de jeûner juste le 10, savoir le lundi. Ça tombe le lundi. Donc le prophète, il a insisté à ne pas être imité les mécréants dans ce qui est spécifique à eux. Leur habitude qui est spécifique à eux. Mais le jour de Ashura, il a dit, je suis prioritaire. C'est parce que j'ai la même religion que Moussa. Et il a dit de jeûner. Ana awla بموسى حق بموسى وحق بصيام هذا اليوم. Il a dit, je suis prioritaire sur Moussa et je suis prioritaire à jeûner ce jour-là. أنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. قال عليه الصلاة والسلام دينهم واحد. Le prophète il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام les prophètes sont comme des frères, leur religion est la même. Leur religion est la même. Donc qui est l'islam. Et les lois changent. C'est les lois qui changent. Donc la religion des prophètes est la même. Et leurs lois, c'est leurs lois qui changent. Et donc, le musulman, il y a un hadith, l'amr qui est dans ce hadith, il y a un ashura, man istata, wa hiya sunna, wa laysat fard. Donc le musulman, il convient qu'il jeûne. C'est recommandé, il n'est pas et pas obligatoire. Et donc, c'est un jour عظيم. ولكن بالطبع يعني هو حصل مات في عاشوراء الحسين. ولكن المسلمون يعني يصومونه ليس لأجل يعني ما حصل الحسين. إنما لما قلنا مما حصل الأنبياء من نعم من الله سبحانه وتعالى. Donc c'est vrai que Ashura al-Hussein il est mort, le petit-fils du prophète. Mais les musulmans ils jeûnent, c'est pas pour ça. C'est pour les beaucoup de choses qui se sont passées pour les prophètes en fait. Mais bien sûr, Allah a voulu que Hussein soit tué le jour de Ashura. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on jeûne. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas citées qui s'est passé pour Ashura, pour les prophètes. On verra d'autres, Inch'Allah. Walhamdulillah Rabbil Alameen. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين